Le cochon boit du jus d'orange. Dans son cœur de cochon, garde-rime. Venez dans le cochon, garde-rime. Le pardon, le coton, le ventre, non. Garde le rythme quand même. Il est rouge le cochon. Bienvenue dans la maison de cochon rouge. Mais garde le rythme. On n'aime pas les animaux. sauf quand les animaux sont morts dans mon assiette. Garde le rythme, en tout cas, tu gardes le rythme. Une rythme là-bas. Gardons le rythme.